force tranquille. Abda MC, Sa Majesté Roi Herbs, Like Melody, Yo Golle Burhala, Onjarama, Onjarama, Kalo Kudibe Hedi Jaram, Alhamdu Kalan Demin Fini, Amin Nduo, Minanga Komin Kebi, Kwaide Amin Hakunde Ringo, So Wanano Onon, Tawono Komin Achi, Weltare Sabi, Maje Kyode Demin Tachi, noto non so min noddi gagno halo ci kon noddi ala ko buri welde e dande gido kalden gonga teeri don hande hebi sago on jaraama on jaraama sabo hande odon nanti gati ngalaama gati ngalaama on jogi tambere hanki gilli mon dentin don parce tranquille wonti pelle jinaabe mon gandin don ko minen be maye berde mette mon amin binde becce jamma amin binde so min kabe wadon jinga ko gondi mon dusi minne odo komba domultinde mon on a commis tampa min kebi aloy sms modon duo woto fayede tout ko les on jara ade djungé fandu no lekki wadé wandu ngati tina moto ngati ko fulla libata ngati kudé le djungam mi djom man séréyé wéné ci djolé tati maade raade nesna metti hanki belni hande ngitté yaware jango ampinaani djoni pofti ma metti wana sago kala né mo djéré fawi tor ko djamo sa yo alla yo mo djéré ko fudi e ko taki sumi ngoni dole non djam djam alam bon ko woto heddo ma yidé ma añé djakkal Yo Allah yob gido min ji darde mon amin beltine gagne min pammi mi cioji mon wonde fof ma won nan kon onon goné mu ñoobé tiagal Allah hen sab ko kambe ngoni du ñoobé